J'ai perdu ma flamme, oh là là, et mon âme aussi. Oh là là, j'ai perdu ma flamme, oh là là, et mon âme aussi. On te fera tout ça samedi, si tu veux pas payer à boire. On va te choler dans ton comptoir, à la piqûre, tout le monde l'ordure. Le plus vénard, c'est Copina. Il rentre tôt, il rentre tard, il a toujours son verre Pina. Ta maison, ta mère, elle t'attend. Sac à part, c'est d'ici que l'on vend des boulettes. Ah, sac à part, c'est d'ici que l'on vend du boudin. Eh, va-t'en vite à ta maison, ta mère, elle t'appelle. Eh, va-t'en vite à ta maison, ta mère, elle t'attend. Sans faire exprès, j'ai marché. J'avance, c'est thank you.